Mélomanes, une émission pour vous, les fous de la musique, à l'antenne du 99.1 et 88.9 CFNJ. Mathieu Lajoie au micro pour vous servir jusqu'à minuit. Et donc, en ce 28 octobre 2015, premier party d'Halloween pour vous, Lanaudière. Écoutez, ça va être complètement éclaté cette semaine. Aucune règle, c'est un party. On se promène dans toutes les années, tous les styles, et c'est toujours bon. Et attendez-vous pas à ce que je fasse des liens bien, bien forts. Toutes des chansons de près ou de loin, ou même parfois de très loin, reliées à l'Halloween. Et dites-vous que c'est pas toujours évident de trouver des chansons d'Halloween, mais l'important, c'est qu'on ait du fun. J'espère que vous allez en avoir autant que moi. En passant, je me répète, mais encore un gros merci pour la semaine dernière. Le grand spécial hommage à Motown a été un franc succès grâce à vous. Vous avez été nombreux à syntoniser, d'ailleurs, quand on est tombé dans les années 80, en fin de soirée, entre autres, et ça donne bien, parce qu'on commence justement dans les années 80 ce soir, parce qu'on brise toutes les règles, c'est un party, et oui, en plein cœur de semaine comme ça, et qu'on n'est pas raisonnable, ça n'a pas de bon sang, et oui, du sang, des chauves-souris, des vampires, des sorcières, beaucoup de sorcières ce soir, et qui dit Halloween, dit revenant, dit fantôme. Ray Parker Jr. au 99.1 CFNJ. Who you gonna call? Ghostbusters! I can't hear you. Who you gonna call?

It's now the Monster Mash. Now everything's cool. Drax a part of the band. And my Monster Mash is the hit of the land. For you, the living, this mash was meant to. When you get to my door, tell them Boris sent you. Then you can mash. Then you can Monster Mash. The Monster Mash. And do my graveyard smash. Then you can mash. You'll catch on in a flash. Then you can mash. Then you can Monster Mash. Mash good. Easy, God. You impetuous young boy. Mash good. Monster Mash. Le Monster Mash au spécial d'Halloween Méloman sur les ondes du 99.1 CFNJ. Un grand classique de l'Halloween par Bobby Boris Pickett and the Crypt Kickers en 1962. Et c'était précédé d'encore ce cher Otis Redding qu'on a découvert lors du spécial Stax avec Trick or Treat de 1966. Un titre qui fait évidemment référence à cette coutume qu'ont les enfants de passer de maison en maison et de réclamer des friandises sous peine de faire du grabuge. Et heureusement que la tradition des bonbons a eu la vie plus dure que celle du grabuge, parce que je pense qu'on aimerait moins ça, un peu l'Halloween d'après moi. Et sinon, on a bien sûr débuté avec le thème du film Ghostbusters ou SOS Fantôme de Ray Parker Jr. de 1984. Et un fait intéressant, c'est Huey Lewis qui s'était tout d'abord fait approcher par les réalisateurs pour faire le thème du film. Il avait refusé parce qu'il avait déjà accepté de faire la musique du film Retour vers le futur, qu'on écoutait d'ailleurs Power of Love la semaine passée, pour commémorer le 21 octobre 2015. Mais tout ça pour dire que Huey Lewis refuse. Ils engagent Ray Parker à la place, qui compose une chanson qui ressemble étrangement à I Want a New Drug, chanson de Huey Lewis. Donc, on se doute que quelqu'un a demandé à Parker de composer quelque chose dans le style de Huey Lewis and the News, et ça a donné quelque chose de très similaire, un peu trop même, parce que Parker allait se faire poursuivre par Lewis pour plagiat, et la chose s'est réglée hors cours, et on n'en saura pas plus. Mais vous irez écouter I Want a New Drug pour entendre par vous-même la ressemblance frappante. Non seulement ça, comme je vous disais la semaine passée, il y a aussi un bout de Dancing Machine des Jackson 5 qui ressemble étrangement à Ghostbusters, qui a été composé plus de 10 ans après. Bref, très bonne chanson Ghostbusters, mais une pièce qui a un peu la réputation d'être un genre de collage. Et maintenant, abracadabra, on retourne en musique au 99.1 CFNJ. Nobody knows.

on the shelf. This place is coming like a ghost town. No job to be found in this country. Can't go on no more. The people getting angry. Avec The Boogeyman au party d'Halloween de Mélomane au 99.1 CFNJ. Et oui, le Boogeyman, qu'on pourrait décrire comme le bonhomme 7 heures, finalement, une pièce instrumentale de 1963 par le groupe des Moon Trekkers, un groupe qu'on va peut-être entendre tantôt et qui est plus connu pour avoir engagé un jeune chanteur de 16 ans du nom de Rod Stewart. Et oui, c'est eux qui ont lancé sa carrière, finalement. Il s'était précédé de l'excellent groupe de ska two-tone britannique de Specials avec une chanson sur une ville fantôme, Ghost Town, en 1981, qui était elle-même précédée d'Archie King avec The Vampires. On était en 1959. Et sinon, l'excellent Steve Miller Band en 1982, c'est toujours bon, avec Abracadabra. Et maintenant, qu'est-ce que les enfants veulent à l'Halloween? They want candy. Au 99.1 CFNJ.

I've got a black magic woman, got me so blind I can't see. That she's a black magic woman, she's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. Stop messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby. You just might pick up my magic. CFNJ. Toujours au spécial d'Halloween Méloman. Oui, toujours au spécial d'Halloween Méloman. Une chose qui va... On a entendu Blue Oyster Cult originalement de 1976 avec Don't Fear the Reaper. Il y a comme un petit thème sur la faucheuse ou le Reaper. Avec Grim Reaper of Love des Turtles en 1966, une chanson inspirée par le raga indien. Et c'est pour ça que la chanson est en bonne partie là, construite sur un rythme complexe à cinq temps, comme le thème qu'on a entendu, qu'on aurait pu entendre plus tôt. C'est pour ça que je suis un peu confus, on va vous avouer bien franchement. On était supposé entendre le thème d'Halloween de John Carpenter, mais malheureusement, le fichier ne veut pas marcher pour une raison obscure. Donc, on nous a raconté l'histoire, sinon, de la Black Magic Woman, serait suivie de celle de la Gypsy Queen par Santana en 1970, une chanson originalement popularisée, Black Magic Woman par Fleetwood Mac, le vieux Fleetwood Mac des fins 60, début 70, qu'il faut découvrir absolument. Et on en reparlera à l'émission, évidemment, de ce groupe-là. Et l'autre petit bout, la fin qui devient une samba dans Black Magic Woman, s'appelle Gypsy Queen, composée originalement par un compositeur hongrois du nom de Gabor Szabó. On a ensuite entendu Edgar Winter Group avec Frankenstein de 73. Edgar, frère de Johnny Winter, deux frères albinos aux longs cheveux blancs qui avaient le don de marquer l'imaginaire dans les années 70. Et tout le bloc qui a été amorcé avec Bow Wow Wow en 1982 et leur version d'une chanson de 65 des Strange Loves, I Want Candy. Et là, il y a quelque chose qui s'en vient, là, mais d'assez osé. Là. Changez pas de poste, baissez le son, le temps de la chanson, au pire, si vous aimez moins ça, parce qu'il y a plein de trucs géniaux, complètement différents qui s'en viennent. Mais écoutez, tout a sa raison d'être ce soir, c'est un party d'Halloween. On y va maintenant avec un thème télé au 99.1 CFNJ. They're creepy and they're kooky, mysterious and spooky. They're all together ooky, the Addams Family. Their house is a museum, when people come to see them, they really are a scream, the Addams Family. Neat. Sweet. Petite. So get a witch's shawl on, a broomstick you can crawl on, we're gonna pay a call on, the Addams Family. Thank you.

feel at home, 'cause you belong. To my breakdown, I hope I didn't scare you. That's just the way we are when we come down. We sweat and laugh and scream here, 'cause life is just a dream here. You know inside you feel right at here. You're welcome to my nightmare, yeah. Welcome to my vient de se faire brasser la cage au party d'Halloween. Méloman, toujours au 99.1 et 88.9 CFNJ partout dans la Nodière. Et oui, il y a plein de problèmes qui surviennent ici, les chansons qui marchent pas, plein de trucs, c'est pas grave, c'est normal, c'est l'Halloween. On vient d'entendre trois pièces-titres, chacune de leur album respectif, soit Michael Jackson, évidemment, avec Thriller, album de 82, mais single de 84, Iron Maiden avec The Number of the Beast, toujours en 82, suivi d'Alice Cooper en 75 avec Welcome to My Nightmare. Trois albums qui ont en commun non seulement d'évoquer des thèmes très halloweenesques, mais aussi d'avoir fait appel au service de Monsieur Vincent Price, un acteur de vieux films d'horreur réputé pour sa voix caverneuse, qui était le narrateur que vous avez entendu à la fin de Thriller et au début de Number of the Beast. C'est pour ça que j'ai pas pu résister à l'envie de vous mettre le classique d'Iron Maiden. N'ayez crainte, je commencerai pas à vous faire jouer du heavy metal à chaque semaine non plus. Mais c'est l'Halloween, fallait bien que je vous fasse peur un peu. Et au début de tout ça, quelques pièces plus rétro. On a entendu le thème de la série télévisée de la famille Adams par Vic Medzi en 64. Celui qui a aussi composé, en passant, le thème des Arpents Verts. Et c'était suivi de David Seville et ses Chipmunks en 58 avec Witch Doctor, pour ensuite laisser place à un incontournable de l'Halloween. J'ai nommé Screaming Jay Hawkins avec la frissonnante I Put a Spell on You de 1956. Et Screaming Jay Hawkins, qui a déjà dans les années 50 s'amusait à se déguiser et à faire peur aux gens sur scène, et donc qui va contribuer au genre qu'on va appeler plus tard le shock rock, ce qui va nous mener directement à des gars comme Alice Cooper, qu'on vient tout juste d'entendre. Et maintenant, un peu dans la veine de notre Black Magic Woman de tantôt, on y va avec des sorcières et des femmes qui vous jettent le mauvais œil au 99.1 CFNJ. Raise fly from her fingertips. Echoed voices in the night. She's a restless spirit on an endless flight. Ooh, witchy woman, see how high she flies. Ooh, witchy woman, she got the moon in her eyes. She held me spellbound in the night. Ooh, dancing shadows and firelight. Crazy laughter in another room. And she drove herself to madness with a silver spoon. Parfois forte pour les prochaines heures, 50 à 70 mm, température qui hausse jusqu'à 12 degrés cette nuit. Jeudi, pluie qui cesse le matin, alternance de soleil et de nuages par la suite. 40 % de probabilité d'averse en après-midi, maximum de 15, des vents jusqu'à 80 km/h en rafale. Quant à nos secteurs du Nord, Saint-Michel et Saint-Zénon, pluie 15 à 25 mm pour cette nuit. Température à la hausse pour atteindre 10 degrés. Jeudi, pluie qui cesse le matin, ça reste nuageux avec quelques averses ensuite. Maximum de 13 et ensoleillé pour vendredi, maximum de 4. CFNJ. Got to end. when I look out my window. So many sights to see. And when I look in my window, so many different people to be, that it's strange, yeah, so strange. You got to pick up every stitch, Lordy. You got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch. Shoulder. What in the world do you think I see? Some other cat looking over his shoulder. Looking over his shoulder at me. And he's strange, yeah. Sure, he's strange. You better hear what I say every day. Listen to me go my way now. When I look in my window, what do you think I see? And when I look out my window, so many different people to be, yeah. It's strange, sure it's strange. You got to pick up every stitch now, y'all. You gotta pick up every stitch, yeah, yeah. You got to pick up every stitch. Whoa. Devil Woman au 99.1 et 88.9 CFNJ. Vous êtes toujours au spécial Party d'Halloween de Méloman. Devil Woman en 76 par Cliff Richard, qu'on connaît peu ici, mais qui est encore à ce jour le troisième artiste à avoir vendu le plus de disques en Angleterre après les Beatles et Elvis. Imaginez, un gars qui se faisait accompagner par les Shadows au début de sa carrière, grosso modo l'équivalent des Ventures ici en Amérique. Bref, un grand méconnu ici avec une chanson qui restait dans le thème de ces femmes viles qui nous jettent des sorts. Et dans la même veine, on a entendu Lou Rawls avec sa reprise de Season of the Witch en 1969, chanson de Donovan qu'il avait composée 3 ans auparavant. Et j'aurais pu aussi vous mettre une excellente version de Julie Driscoll de 67, mais à 7 minutes et des poussières, ça commence à être long un peu. C'était précédé de Dusty Springfield en 1970 avec l'excellente Spooky d'Electric Light Orchestra avec Evil Woman en 75 et de la merveilleuse Witchy Woman, les Eagles, en l'an de grâce 1972. Et on se tourne maintenant vers un thème semblable, mais plus terrifiant encore, le Yard, les Stones au 99.1 CFNJ. Rage and the fire. suis majeur. Oui, oui, oui, sur mon balai maudit. J'aime bien faire mal aux tout petits. Je fais bouger des mains de bandit. Je mange des crapauds, des rats tout poilus. Je fais des potions pour séduire les hommes. Puis je les mords quand ils dorment. Dans ma marmite, c'est l'épouvante. Y'a des bestioles dégoulinantes. Ce soir, je fais du bœuf au pipi. Car c'est la fête aujourd'hui. C'est la salsa du démon. spécial Party d'Halloween, Mélomane au 99.1 CFNJ. On vient d'entendre cette chère Kim Carnes, qu'on connaît pour son succès Betty Davis Eyes, avec un autre succès plus tard dans sa carrière, Crazy in the Night de 1985. C'était précédé de Running with the Devil de Van Halen en 1978 et du groupe Satan's Pilgrims avec The Haunted House of Rock, une chanson qui nous semble tout droit sortie de 1964. Eh bien non, c'est en fait la pièce la plus récente de toute la soirée qui nous provient de 1994. Et juste avant tout ça, une des rares en français ce soir, parce que faut avouer que c'est un peu plus dur à trouver des chansons d'Halloween en français, c'est pas comme des chansons de Noël. Les Français de France, du grand orchestre du Splendide avec leur Salsa du démon de 1980, et qui a joué juste après Sympathy for the Devil et des Rolling Stones en 1968, tiré de l'album Beggar's Banquet de la même année. Et oui, très, très, très varié ce soir. On entend en ce moment, d'ailleurs, le thème d'X-Files. Ça aurait l'air qu'il y a peut-être une nouvelle émission qui s'en vient ou quelque chose. On voit plein de trucs sur Facebook. Et oui, la musique est très variée. Pour ceux que je dépayse un peu, découragez-vous pas. La semaine prochaine, on revient à nos habitudes. Mais j'avais le goût comme ça de saisir l'occasion du party d'Halloween pour vous faire jouer plein de trucs disparates. Mais si vous êtes mélomane un peu, vous devriez avoir du plaisir quand même. Du moins, je l'espère. Et on y va maintenant avec une pièce dont le vidéoclip a été réalisé par Tim Burton, un réalisateur de films qui fête l'Halloween à l'année. Donc, dites-vous que les deux chansons qu'on va entendre se veulent des berceuses, chacune très différente. Lullaby et Lullaby au 99.1 CFNJ. Thank you.

Bad Moon Rising au party d'Halloween de CFNJ 99.1 partout dans la Naudière. Vous êtes toujours à Mélomane, Mathieu Lajoie avec vous jusqu'à minuit. Et oui, une mauvaise lune qui se lève sur nous avec CCR en 1969. Et juste avant, une chanson qui est redevenue un succès grâce au film Beetlejuice, un film de Tim Burton dont on parlait tantôt justement. Donc un film de 1988 avec la chanson Jump in the Line d'Harry Belafonte de 1961. Un beau calypso qui nous provient des îles de Trinité et Tobago dont on avait parlé un peu lors du spécial Jamaïque, si vous vous souvenez. Et Jump in the Line qui va devenir le gros succès Hey Lolita de Joël Denis ici au Québec. C'était précédé de Mr. Sinatra avec That Old Black Magic de 1961. Une pièce qui a été enregistrée la première fois par Glenn Miller et son orchestre en 1942. Et aussi interprétée par Jerry Lewis dans Dr. Jekyll et Mr. Love. Et nos deux berceuses qui étaient tout d'abord Lullaby du groupe britannique The Cure en 1989. Et toujours Lullaby, mais cette fois-ci sous la forme d'un thème, de film qui donne froid dans le dos. Composé en 1968 par le Polonais Krzysztof Komeda, tiré de la trame sonore de Rosemary's Baby, film de Roman Polanski la même année. Et maintenant, la nuit du vampire avec les Moon Trekkers au 99.1 CFNJ. Out one dark and windy day. Up on a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw plowing through the ragged skies and up a cloudy draw.

Spécial d'Halloween Mélomane au 99.1 CFNJ. Et on vient d'entendre, selon moi, la plus belle pièce de la soirée. Magnifique composition d'un grand compositeur classique américain, toujours vivant, Philip Glass, que j'adore et que je vous conseille fortement. Particulièrement si vous ne savez pas par où vous y prendre pour vous familiariser avec la musique classique. Allez voir ça, Philip Glass. On a entendu ici la pièce Music Box, thème du film Candyman de 1992, qui parle du Candyman en question qui apparaît dans le miroir si on répète son nom plusieurs fois. Mais bon, le thème du film a beaucoup mieux traversé le temps que le film lui-même, disons. Et juste avant ça, on est resté pas mal dans les thèmes d'Halloween, encore avec Pied de poule, pièce-titre de la comédie musicale du même nom de 1982. C'est interprété par Geneviève Lapointe, qui jouait le personnage de Dolby Stéréo aux côtés de Marc Labrèche et Normand Brathwaite, entre autres. Comédie musicale de Marc Drouin, grand ami de Brathwaite, et une musique de Robert Léger du groupe Beau Dommage. Toujours dans les thèmes de tueurs psychotiques, on a entendu avant ça American Psycho, des excellents Talking Heads, sur leur tout premier album en 1977. C'était précédé de Johnny Cash en 1979 avec Ghost Riders in the Sky. Et maintenant, on parle du gros méchant loup, Hungry Like the Wolf, au 99.1 CFNJ. Touch the ground, in it so tight. You feel my heat, I'm just a moment behind. Do, do, do. Is Dead, au spécial d'Halloween du 99.1 et 88.9 CFNJ. Vous êtes toujours à Mélomanes en compagnie de Mathieu Lajoie jusqu'à minuit qui arrive à grands pas. On vient d'entendre un court extrait de la trame sonore du film Le Magicien d'Oz de 1939 qui suivait plein de chansons bizarres pour l'occasion. On a entendu Bauhaus en 1979 avec Bela Lugosi's Dead. Bela Lugosi, qui est en fait une légende du cinéma d'horreur, qui est celui qui a fait populariser le rôle du comte Dracula dans le film original de 1931. Et Bauhaus avec comme chanteur Peter Murphy, un des premiers groupes du genre qu'on va appeler le rock gothique, qu'on risque pas trop d'entendre souvent à l'émission. Et c'était précédé du groupe déjanté des B-52s la même année, 79, avec Dance This Mess Around, de leur excellent premier album. Et le groupe français Image avec Les Démons de Minuit de 1986, juste après Duran Duran en 82. Et c'est déjà là-dessus qu'on se quitte. Malheureusement, j'espère que vous avez aimé votre expérience d'Halloween à Mélomanes. On se retrouve dans une semaine, même heure, même poste, mercredi 21h pour une autre édition de Mélomanes. Je vous laisse avec une pièce qui n'est pas tellement une pièce d'Halloween, mais qui me faisait frémir étant enfant, en vous souhaitant une bonne nuit. Ennio Morricone au 99.1 CFNJ et à la semaine prochaine.

Thank you.